Le restaurant Galant Traiteur vous propose sa cuisine créole sur place ou emportée, grillade tous les midis pendant les vacances, ainsi que vos repas de groupe pour diverses occasions, mariage, baptême, cocktail, etc. Le restaurant Galant Traiteur, c'est aussi la location de salles pour différents événements, bals, séminaires, réceptions diverses. Ouvert tous les jours de 9h à 16h et le soir sur réservation. Le restaurant Galant Traiteur, section Saint-Charles à Saint-Denis-Marie-Galante, téléphone 05 90 97 14 52 ou 06 90 76 33 16. Le restaurant Galant Traiteur, c'est la Sacabaye. Le restaurant City Place, situé à la rue Beaurenon prolongée face à la place du 3e pont à Grandbourg, vous propose ses spécialités créoles sur place et à emporter. Le restaurant City Place vous accueille du lundi au dimanche de 12h à 16h, le soir sur réservation. Le restaurant City Place, 05 90 97 76 25. Restaurant City Place, au bon manger créole. Situé sur les hauteurs de Capesterre de Marie-Galante, l'hôtel Le Soleil Levant vous offre une vue panoramique sur la mer depuis les piscines. Accueil dans un cadre idyllique, entre mer turquoise et nature luxuriante pour se ressourcer le temps d'un séjour. Des chambres tout confort, bungalows et appartements avec vue imprenable. Détendez-vous au Loup Spa. Rencontrez vos prospects dans la salle de réunion, savourez les délices du restaurant et laissez-vous séduire par la douceur de vivre de Marie-Galante. Hôtel Le Soleil Levant. Bien plus qu'un séjour, une expérience inoubliable. Réservation au 05 90 97 31 55 97 31 55 ou par mail à réservation@lesoleillevent.fr. sur le podium. Il revient encore plus fort. À tout de suite. Situé sur les hauteurs de Capesterre de Marie-Galante, l'hôtel Le Soleil Levant vous offre une vue panoramique sur la mer depuis les piscines. Accueil dans un cadre idyllique, entre mer turquoise et nature luxuriante, pour se ressourcer le temps d'un séjour. Des chambres tout confort, bungalows et appartements avec vue imprenable. Détendez-vous au Luspa. Rencontrez vos prospects dans la salle de réunion, savourez les délices du restaurant et laissez-vous séduire par la douceur de vivre de Marie-Galante. Oh. Hôtel Le Soleil Levant. Bien plus qu'un séjour, une expérience inoubliable. Réservation au 05 90 97 31 55. 97 31 55 ou par mail à réservation@lesoleillevent.fr. Partez à la découverte de Marie-Galante et des sept à bord du navire Iguana Beach. Pour tout renseignement, contactez la société Comatril au 05 90 22 26 31. La société Comatril et le navire Iguana Beach vous souhaitent une agréable traversée. Aux établissements Zélateurs, c'est la vente de pièces détachées, accessoires auto-cycles, motocycles, pneus, batteries, pièces de train avant et de freinage, électricité, etc. Les établissements Zélateurs, c'est également la location de voitures et studios. Établissements Zélateurs, section Le Robert à Capesterre de Marie-Galante, téléphone 0790 97 38 89. À Tivoli Pneus, c'est la vente de pneus de voiture, de scooter, équilibrage, valve, parallélisme, réparation de pneus. Tivoli Pneus, route de la Treille, section Dessonnet à Grand Bout de Marie-Galante, téléphone 05 90 57 44 50, 06 90 37 14 30. Bizen matériaux Marie-Galante pour faire travaux, Ayaka Brico Matelet Drek. Brico Matelet Drek, c'est magasin à zot depuis 18 ans, si vous oubliez pas, c'est Capesté Marie-Galante. Tout ça qui matériaux, construction et quincaillerie, bois, charpentier, à 8 mètres, tôle, fais, outils, plomberie, peinture, clôture, juste ni machine pour colorer peinture. Il ouvre depuis 7 heures de matin ou jusqu'à 4 heures du soir, du lundi au vendredi. 7 heures pour midi le samedi. En plus, livraison est gratuite sur toute Marie-Galante. Et vous pouvez payer en plusieurs fois. Venez trouver nous en Cabrico Matelet Drek. Nous attendons. Samedi 9 août 2025, dès 16h, rendez-vous au restaurant Galant Traiteur pour un événement unique, le Loto Grillade du Collège Albert Baclay. Venez tenter votre chance et remporter de nombreux lots dans une ambiance festive et gourmande. Ce loto est organisé pour soutenir le voyage pédagogique des élèves, un projet unique qui leur permettra de rencontrer le champion Jérôme Laporal et de vivre une expérience enrichissante. Votre présence et votre générosité sont essentielles pour concrétiser ce beau projet éducatif. Jeux gonflables accessibles aux enfants. Ne manquez pas ce rendez-vous. Le restaurant Galant Traiteur, section Saint-Charles à celui de Marie-Galante, 05 90 97 14 52 ou 06 90 76 33 16.